1416. Une émission de Pierre Dac. Citoyennes, citoyens, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mon général, ma sœur. C'est avec une émotion dont la sincérité et la spontanéité le dispute à la préméditation minutieusement calculée que je prends aujourd'hui la parole pour célébrer avec vous le 175e anniversaire de la prise de la Bastille. 14 juillet 1789, date mémorable entre toutes, puisque c'est ce jour-là qu'aux yeux des peuples éblouis, apparu pour la première fois dans le ciel de l'histoire, le prestigieux soleil de la volonté du peuple, dont les ardents et mâles rayons balayèrent sans coup férir les noirs et sanglants nuages de l'autocratie despotique et les visqueux brouillards des ancestrales servitudes. En ce sacré jour de fête nationale, élevons nos souvenirs à la hauteur d'un passé prestigieux et nos codes à la hauteur des circonstances. Tournons sans défaillance ni porcelaine nos yeux vigilants vers la ligne bleue des Vosges et que notre pensée évoque les immortels principes ainsi que l'admirable déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont j'extrais pour votre édification introspective l'article 17 bis qui dit « Tout homme, quel que soit son sexe, a le devoir de travailler et le droit de ne rien faire ». N'est-ce point là en vérité l'expression même de la reconnaissance fondamentale de la pérennité de l'individu dans l'absolu respect de la condition humaine ? Aussi, tâchons d'être dignes de la grandeur et du sacrifice de nos glorieux ancêtres. Mais ne nous y trompons pas, il nous appartient de continuer l'œuvre grandiose de la Révolution, car, comme l'a dit Emmanuel Kant, un jour que, ayant éclusé un peu trop de raison pure, il en avait un sacré coup dans la métaphysique, toute chose finie n'est jamais entièrement achevée tant qu'elle n'est pas complètement terminée. Parole hautement prophétique, qui m'amène tout naturellement à vous rappeler, en guise de conclusion, et pour fortifier notre confiance dans les destinées de la patrie, est édifiant aphorisme du regretté conventionnel gréco-malouin Arnaque de Pédalos, tant que l'espoir demeure au niveau de l'espérance, il n'y a pas lieu de désespérer. Vive la France, vive la République, vive la nation, vive la Porte Dauphine et salut les copains. Ouais, alors pourquoi le cacher ? Oui, patron, bien sûr. Hein ? D'ailleurs, qui aurait l'idée de le cacher ? Voyons, ici, on n'a rien à cacher. Alors pourquoi le cacher ? Quand Jean-Paul Sartre a refusé le prix Nobel, tout le monde ici a compris le sens de son geste. Tout le monde a deviné qu'il lançait une nouvelle philosophie, la philosophie du refus. Parfaitement, patron. Ah, c'était clair et net, non ? En si bémol aussi. Quoi ? Clair et net en si bémol. On a tout à fait le droit de refuser ce qu'on nous offre. Rien ne nous oblige à l'accepter. Nous avons voulu connaître les répercussions que cette philosophie avait dans le grand public. C'est pourquoi nous avons interrogé à droite et à gauche après avoir, ça va sans dire, commencez par le milieu. Monsieur Gandin, vous êtes employé de bureau. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir une opinion. Moi, je vous dirais que personne n'a jamais eu l'idée de m'offrir 28 millions. Non, mais si ça arrivait, eh bien, je me méfierais. Oui, monsieur, on ne vous offre pas une somme pareille comme ça pour le plaisir. Après, vous vous trouvez embringué dans des histoires de gangsters. C'était pas net, son affaire. C'était pas net du tout, son affaire. Très vite, le monde entier a adopté cette philosophie du refus. Elle est devenue la philosophie de monsieur tout le monde. Et voici quelques scènes que nous avons enregistrées dans la rue à l'improviste. Et t'as vu cette voiture-là ? Ben oui, pourquoi ? Ben vous êtes en stationnement interdit, je vous donne une contravention. Eh bien mon ami, je la refuse. Non, n'insistez pas, je n'en veux pas. C'est combien vos choux-fleurs ? 5,50 francs kilo. Eh ben dites donc, c'est cher. Eh ben c'est le prix, puis c'est même mon dernier prix. Ben votre prix, vous pouvez vous le garder, votre prix, ouais. Entrez ! Ah, c'est vous, monsieur Aymar. Vous m'avez demandé, patron ? Oui, monsieur Aymar, oui. Je suis très content du nouveau programme que vous avez préparé. Ah ! Oui, j'ai trouvé ça très bien présenté. En conséquence, j'ai décidé de vous augmenter de 200 francs par mois. Mais ça fait 20 000 francs, patron. Eh oui. Et en plus, je vous donne une prime de 150 000 francs à la fin de l'année. 15 millions ? Alors, pardon, ça fait 1500 francs. Eh bien, patron, je suis disciple de Jean-Paul Sartre. Je refuse. Ainsi, petit à petit, cette philosophie du refus a envahi notre vie de tous les jours. Désormais, quand quelqu'un vous dira... Je vous donne un avertissement. Je vous donne mon avis. Je vous donne le bonjour. Je vous donne le bijou. Vous serez en droit de refuser ce cadeau. Pour conclure ce reportage, nous sommes allés rendre visite à Jean-Paul Sartre pour lui demander si nous avions bien compris son message, si nous avions bien interprété sa philosophie du refus. Malheureusement, il a refusé de nous recevoir. Dans le cadre de notre campagne, nous vous prions d'écouter la voix des animaux. L'ORTF, qui est une eau minérale pure et sans tache comme les autres, se doit d'être la tribune des aspirations de toute la nation. Et pourquoi ? Nous avons pensé que nos frères inférieurs étaient déshérités sur ce point. Nous allons corriger cette injustice et nous demanderons, chaque fois qu'il le faudra, dans cette émission, ce que les animaux pensent de la situation. Aujourd'hui, c'est en Normandie que notre reporter se trouve. À vous, à Démarre. Mais vous me passez l'antenne un peu trop tôt. Muguette, c'est la vache que j'ai sélectionnée pour l'interviewer, est en cours de traite. Vous entendez le bruit d'ailleurs, et elle ne parle jamais à ce moment-là. Mais voici que le seau se remplit. Je pense maintenant pouvoir poser ma question. La voici. Que pensez-vous, Muguette, du problème du lait ? Eh ben, pas mal. Elle l'a pas envoyé dire. Hein. Oh, elle est gonflée, hein. Ça, c'est ça, comme vache, hein, pas, hein. C'est de la vache d'avant-guerre, ça, hein. Ouais. Eh ben moi, qu'est-ce que je fais ? Quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Oh, non. Laissez parler le patron, oh, c'est là, tout. Là, qu'est-ce qu'elle trimballe, celle-là ? Allez-y, patron. Complément au résultat du dernier tirage de la Loterie Nationale. Le billet portant le numéro 654 329 ne gagne rien dans le groupe 3, ni dans les autres groupes. Vous n'aimons pas beaucoup en principe. Vous parlez d'événements qui risquent d'avoir une résonance dramatique. Ah bah effectivement, la résonance dramatique, c'est pas agréable. Hein. C'est vrai, ça fait mal aux oreilles. Oui, je dis pas, mais il se déroule actuellement dans notre pays des choses trop graves pour que nous les passions sous silence. Ah bah à tout prendre, alors passer sous silence, c'est encore plus désagréable qu'une résonance dramatique. Toujours est-il qu'il nous est impossible de ne pas parler de la manifestation. Oui, ça on se demandait depuis 8 jours si elle aurait lieu et... Et on a bien cru qu'elle serait annulée. Oui, bah enfin finalement tout s'est arrangé et la manifestation se déroule en ce moment. Notre envoyé spécial est sur place, immédiatement nous établissons la liaison. Eh bien effectivement, la manifestation est arrivée à son point culminant si j'ose m'exprimer ainsi. Le carrefour est à la fois noir de monde et noir de fumée. Et devant moi, 150 à 200 000 personnes protestent. Je pense qu'il est intéressant de savoir ce qu'ils réclament au juste. Monsieur, monsieur, quoi, s'il vous plaît, quoi, vous manifestez pourquoi ? Parce que c'est mon droit. Certainement, mais encore. Eh ben, le syndicat, il nous a dit faut manifester, faut réclamer, alors je réclame. Très bien, mais vous réclamez quoi ? Mais j'en sais rien, moi, le syndicat, il a dit faut réclamer, je réclame. J'en veux, j'ai le droit. Oui, mais vous avez droit à quoi, monsieur ? Mais j'en sais rien, mais le syndicat, il a dit que j'avais droit. Donnez-moi, j'en veux. Bon, je vais maintenant me tourner vers un autre manifestant. Monsieur, s'il vous plaît, pourquoi manifestez-vous ? Au nom des principes de 1789, monsieur, pour la liberté des expressions sociales, monsieur, ouais, dans la légitimité absolue des droits de l'homme et du citoyen, monsieur. Je vous remercie, monsieur. Vous manifestez bien dans un but précis. Non, monsieur, pas du tout. Non, justement, je manifeste pour prouver que chacun est libre de manifester, pour manifester son désir de ne pas être d'accord. Je vous remercie. Monsieur, s'il vous plaît, approchez-vous très près du micro. Pourquoi manifestez-vous ? Non, mais de quoi je me mêle ? Non, mais vous l'entendez, vous autres ? Je vous rappelle, c'est pas pourquoi je manifesterai pour moi. Mais monsieur, c'est parfaitement votre droit. Seulement, justement, je vous demande. Non, mais je ferai ce que ça, monsieur, est un contre-manifestant, un provocateur venu pour semer le trouble dans les esprits et les gars. Ce sont mes mines. Mais il veut pas qu'on manifeste. Allô, la manifestation, vous nous entendez ? Allô, allô ? Non, non, non. Non, bah non, ils entendent. Bon, eh ben, je crois que c'est fini pour lui. C'est fini. Eh ben, de toute manière, j'espère qu'on pourra tout de même récupérer le micro. Oui, c'était un beau petit micro, Patrick. C'était quand même notre rôle de rendre compte de cette manifestation. Oui. Je crois bien. Ouais. Et d'autant que ça prouve que les lois sociales sont bien faites en France. Ça, c'est bien vrai, Patrick. D'ailleurs, si vous voulez mon avis, eh ben, si la France n'était pas ce qu'elle est, c'est-à-dire la France, tous les Français seraient des étrangers. Dites-moi, j'y pense là tout soudain. Ça vous dérangerait pas que je vous gifle ? Non, parce que j'ai envie de vous gifler. Non, mais allez-y. Eh ben, allons-y. Quand même. C'est bien, quand même. Il y a des choses qui sont pas justes, vous savez. C'est vrai. Parce que moi, ben moi, quand j'y pense, hein, j'ai fait deux guerres et j'ai encore soif. C'est pas juste. Bon, d'autre part, il y a encore d'autres injustices. Je pense bien. Qu'est-ce que vous pensez avant? Encore une gifle? Non. Bon, il y a les gens de la campagne. Hein, les gens qui habitent la campagne, ben ils sont privés des bruits de la ville, ils les entendent pas. C'est vrai, trouvez ça juste. Absolument. Non, c'est bête. Ben alors je vois qu'ils les entendent. Bon. Édouard, va voir la fenêtre. Ils doivent se régaler là-bas. Belle bouffée, je les vois, heureux. C'est vraiment le patron avec des idées formidables. Formidable, c'est bête. Bon, moi, je voudrais m'adresser au président du syndicat des bouchers. Aux intermédiaires de la viande, aux mandataires, aux consommateurs, et par la même occasion à ma femme pour lui dire que ce soir je rentrerai tard. Qu'elle sorte le chien et qu'elle me prépare un jambon salade. Je m'adresse donc à tous ceux que la viande intéresse. Il n'existe qu'une solution au problème du bœuf, la légume. La bonne légume de chez nous. La crudité, la frite, l'épinard. Le bœuf a triomphé de vous, ministre, syndicaliste, détaillant, ménagère. Le bœuf est vainqueur. Pourquoi ? Parce qu'il mange de l'herbe. Autrement dit, de la légume. Si chaque consommateur de viande devient végétarien, si chaque grève organisée par les bouchers consiste à ne plus vendre que des produits issus de la terre, de la serre et de l'arbuste, alors l'homme du XXe siècle deviendra le parmentier de son époque. Le bœuf perdra de sa superbe et chacun l'égalera en le suivant dans son herbivorité. Alors, boucher, transformez vos étals en tréteaux où s'amoncelleront les primeurs. Braves gens de France, transformez les tables de vos salles à manger en jardins potagers perpétuels. Et vous, ministre, prônez dans vos discours le seul produit alimentaire dont les chaudes couleurs et les délicats contours sont les vestiges du jardin d'Éden et chantez louange et gloire à la manne de demain, la légume. C'est bête, complètement idiot. Ça va, j'ai les filets de paire de gifles. Ah oui, le bâton. Ah oui, c'est bête. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je ne voudrais pas terminer cette 427e émission sans vous rappeler que c'est samedi prochain à 21h, en la grande salle Crado, que la Société des trompes de stache de la région parisienne donnera au bénéfice de sa caisse enregistreuse de secours son grand concert annuel avec la précieuse participation de l'ensemble national folklorique de l'ORTF. Au programme, l'ouverture du compte en banque de Wilfried Baumgartner, le deuxième poème à la mémoire de Poliet et Chausson et le célèbre concerto en sous-sol mineur opus 54-46 et la suite pour trompette, boucher, alémerie, orchestre à responsabilité limitée. Entrée gratuite, sortie 7 francs, tenue de soirée de rigueur. On peut apporter son manger et sa boisson. C'était 3-14-116. Une émission de Pierre Dac. Et son équipe de demeurés, Jean-Yann, Jean Bardin, Robert Namias, Laurence Riesner. Avec la participation exceptionnelle d'Yvonne Taquet, sauvier du chimoire du Ferlon sous plaque. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que je fais? Et de qui est la mise en nom? Mais Pierre-Arnaud de Chassipoulet, voyons.